Jazz Time, présenté par Gérard. Sommaire de Jazz Time, le quartet du contrebassiste Jacques Vidal, une découverte avec les paysages sonores d'Openland, Paolo Fresu et son quartet 100% italien, une certaine idée du bonheur, le big band de Thierry Maillard, jazz et cinéma avec le film Green Book actuellement sur les écrans, et puis deux coups de chapeau, un à Michel Legrand, l'autre à Marcel Azola, et puis bien sûr, les rendez-vous avec le jazz vivant de Jazz Time. Disciple du contrebassiste Charles Mingus, le contrebassiste Jacques Vidal n'est pas un musicien auquel on pourra reprocher de nous inonder d'albums. Il ne choisit de nous donner de ses nouvelles que lorsqu'il a quelque chose à nous raconter dans ses compositions. Ainsi, avec l'album Hymne, qu'il propose en compagnie d'un quartet, où on a le plaisir de retrouver des musiciens qui sont autant leader que sideman selon les circonstances. C'est le cas du saxophoniste Pierrick Pedron, du tromboniste Daniel Zimmerman et du batteur Philippe Soira, associé au pianiste Richard Terregano. Jacques Vidal est bien sûr à la contrebasse. Jacques Vidal n'a jamais renié l'influence donc de Charles Mingus, bien au contraire, dans son expression personnelle, tout en recherchant dans l'écriture comme dans l'interprétation son propre langage. Voici le thème titre de l'album de Jacques Vidal, Hymne. Une composition du contrebassiste Jacques Vidal, qui était très en vedette dans ce morceau, c'est le thème titre de l'album Hymne. Je vous donne le nom des musiciens qui font partie de son groupe. Pierrick Pedron, saxophone alto. Au trombone, Daniel Zimmermann, le batteur Philippe Soira et le pianiste Richard Regano. L'album donc Hymne, signé Jacques Vidal. C'est la découverte de paysages sonores que nous offre avec Openland, le quartet du pianiste Bruno Angelini en compagnie du violoniste Régis Subi, de Claude Chamichan à la contrebasse et à la batterie Édouard Perrault. C'est une écriture subtile qui donne toute sa place à l'imaginaire, une poésie sonore selon les termes de Vincent Cotreau qui nous invite à la rêverie, à l'harmonie paisible et salutaire des interprétations. Voici Jardin perdu. Thank you. Une musique paisible pour des temps agités, c'est donc une œuvre de Bruno Angelini, pianiste, en compagnie de Régis Hubé au violon, Claude Chamitch en contrebasse et à la batterie, Éloire Perrault. C'est un album qui a pour titre Open Land et je vous avais proposé Jardin perdu. Alors c'est un jazz 100% transalpin que je vous propose d'écouter avec le quartet du trompettiste Paolo Fresu, le Devil Quartet. En effet, l'album Carpe Diem a été également enregistré en Italie avec des partenaires italiens de Paolo Fresu. Quant au répertoire, il est signé du leader et des musiciens du quartet. Le titre de l'album Carpe Diem est une invitation à profiter du moment présent car si on relit la seconde partie de la Maxime d'Horace, elle met en garde « Carpe diem, non bis in idem », c'est-à-dire il n'y aura jamais de jour équivalent. Retour donc à la musique du Devil Quartet de Paolo Fresu avec cette composition « Un tema per Roma ». le Devil Quartet du trompettiste italien Paolo Fresu, l'album Carpe Diem et le titre que je vous proposais, Un tema per Roma. À la traduction de l'appellation américaine Big Band, grand orchestre, on a préféré dans le milieu du jazz hexagonal le nom grand format qui correspond peut-être mieux à la géométrie variable des formations actuelles, différente de celle des orchestres avec section imposante qui était la règle du temps glorieux des Big Band de l'époque swing aux États-Unis. Plusieurs orchestres grand format existent en France, mais malheureusement ils se produisent peu sur scène, exception peut-être pour l'Orchestre National de Jazz ou le Keystone Big Band. Et puis, il peut arriver qu'un musicien prenne l'initiative de monter un grand orchestre, un rêve, une idée un peu folle, mais qui donne l'occasion de constituer une équipe, d'écrire un répertoire et des arrangements dans une dimension particulière. C'est ce qu'a souhaité et réussi le pianiste Thierry Maillard, avec un orchestre de solistes brillants, prêt à faire cause commune. Les interprétations bénéficient de la durée, avec des arrangements qui privilégient les ensembles, sans toutefois réduire la place accordée aux solistes. Alors on peut souscrire au titre de l'album de Thierry Maillard, Pursuit of Happiness, que l'on peut traduire par Une certaine idée du bonheur. Voici Modern Times. Le grand orchestre du pianiste, compositeur, auteur donc du répertoire de cet album, auteur du répertoire et des arrangements de cet album qui a pour titre Pursuit of Happiness. Je vous donne le nom des musiciens, Médéric Collignon qui est sur deux plages en invité. Il y a aussi David Enko, Sammy Thiebaud, Daniel Zimmerman, Claude Egea, Stéphane Schoss, Adrien Ferraud, Stéphane Guillaume, Ludivine Issembourg, Didier Ave, Johan Schmidt, Sébastien Ladeau, Lucas Saint-Cric, Christophe Zoukones, c'est ce big band que je vous proposais. Je vous ai choisi ce titre, Modern Times, et je vous rappelle le titre de l'album Pursuit of Happiness, le big band de Thierry Maillard. Vous écoutez Jazz Time et vous avez bien raison. Actuellement sur les écrans, un film de l'américain Peter Farrelly qui a pour titre Green Book et qui relate à partir d'une histoire vraie la relation entre un pianiste de formation classique afro-américain Don Shirley et son chauffeur blanc, un certain Tony Lip. Si Don Shirley a reçu une éducation assez aristocratique en quelque sorte, son chauffeur lui est mal embouché, mal dégrossi. Cette association incongrue avec des rôles inversés va pourtant évoluer vers une relation amicale. Don Shirley et ses deux partenaires musiciens et son chauffeur vont, par défi tout à fait assumé, faire une tournée dans les États-Unis, au sud des États-Unis, on est dans les années 60. La bonne société blanche accueille Don Shirley avec considération pour son talent, mais la ségrégation continue de sévir sous toutes ses formes, avec ses conséquences parfois dramatiques sur les rapports humains et sociaux. Don Shirley, qui a réellement existé, a disparu en 2013. Il est tombé un peu dans l'oubli, ses enregistrements n'étant plus disponibles, du moins pour l'instant. Mais les amateurs de jazz peuvent trouver un témoignage sur ce pianiste dans les mémoires de Duke Ellington. Celui-ci, qui a composé en 1945 une pièce pour piano-orchestre intitulée « New World Coming », se souvient de cette composition qui avait été arrangée pour piano-orchestre symphonique, et Ellington se souvient donc qu'il était interprété par Don Shirley, lequel, malgré une technique prodigieuse, avait eu du mal avec la partie de main gauche dans un certain passage « Ragtime ». Et le Duke, lorsqu'il énumère le nom des pianistes fabuleux qui se produisaient dans ces années 60 au club Hickory House, eh bien, il cite le nom de Don Shirley. Eh bien, en attendant des rééditions d'enregistrement de ce pianiste, Don Shirley, qui interprète aussi bien Brahms, Chopin ou Debussy que du jazz, je vous propose l'interprétation par Duke Ellington piano solo en 1962 de cette fameuse composition New World Coming, sur laquelle s'était donc appliqué Don Shirley. Voici Duke Ellington enregistré au MoMA. Thank you. Un enregistrement assez rare, une longue interprétation par Duke Ellington en piano solo en 1962 au MoMA de New York. J'ai choisi cette interprétation parce que c'est un thème qu'avait interprété le pianiste américain Don Shirley, qui est un des héros principaux du film Green Book, qui est actuellement sur les écrans et qui relate l'association un peu incongrue entre un musicien noir et un chauffeur blanc qui font équipe dans le sud des États-Unis dans les années 60. Et Don Shirley, donc ce pianiste, a eu l'occasion d'interpréter cette composition d'Ellington, A New World Coming, et il s'est un peu cassé les dents sur certains passages et cette version piano solo par Duke Ellington. Il casse quelques semaines lorsqu'a paru l'autobiographie de Michel Legrand, J'ai le regret de vous dire oui. Justin vous avait proposé pour illustrer cette parution un extrait de l'album Le Grand Jazz, réalisé aux Unis avec un grand orchestre par Michel Legrand, un orchestre qui regroupait des pointures alors que le jeune Michel Legrand n'avait que 26 ans. Aujourd'hui, après tous les hommages rendus aux compositeurs, arrangeurs, pianistes disparus, je voudrais pour témoigner notre admiration à Michel Legrand, l'admiration de tout le monde du jazz, vous proposer non pas une de ses compositions à succès, mais une interprétation d'une musique plus intime, enregistrée en compagnie d'une petite formation dirigée par le trompettiste Nicolas Folmer, avec bien sûr Michel Legrand au piano, Benjamin Hennock à la batterie et Mauro Gargano à la contrebasse. Le titre de cette composition, A Quiet Room. Au piano, Michel Legrand, à la trompette, Nicolas Folmer, batterie, Benjamin Enoch et Mauro Gargano, contrebasse, c'est un thème qui avait pour titre Quiet Room, c'était notre dernier coup de chapeau à Michel Legrand. Autre disparition au cours du mois de janvier dernier, celle de l'accordéoniste Marcel Azzola, dont la carrière s'est beaucoup développée aux côtés de chanteurs, mais aussi en compagnie de guitaristes et de musiciens de jazz. Faut pas oublier que Marcel Azzola avait une affection particulière pour le jazz et les jazzmen, qui n'hésitait pas à l'inviter pour un disque ou sur une scène. Et il a fait partie des quelques accordéonistes qui ont très tôt défendu la place de cet instrument populaire dans toutes les formes d'expression musicale. On n'était d'ailleurs pas surpris de lire les chroniques critiques des albums de Marcel Azzola dans les magazines spécialisés jazz. Parmi les albums réalisés par Marcel Azzola avec des jazzmen figure celui qui a pour titre Jazzola, où il est en compagnie du vibraphoniste Danny Doris, du pianiste Georges Arvanitas, du guitariste Marc Fossé à la batterie Richard Poitier et Patricia Lebeugle à la contrebasse. Voici une composition sur tempo à trois temps signée Azzola, double scotch. Thank you. Double scotch signé Marcel Azola, qui était entouré de Georges Arvanitas au piano, le guitariste Omar Fossé, au vibraphone Danny Doris, à la batterie Richard Portier, et la contrebassiste Patricia Lebeugle. Eh bien, un enregistrement qui a été réalisé en 1999 et réédité en 2018. Mais l'accordéoniste Marcel Azola mérite bien qu'on l'écoute à nouveau. Aux côtés de Danny Doris, voici dans cette balade qui a pour titre « Portrait de Jenny ». À l'accordéon, Marcel Azola, vibraphone Danny Doris, est un des thèmes d'un album qui a pour titre Jazzola, réédité en 2018, et j'avais choisi Portrait de Jenny. Sur l'agenda de Jazz Time, les rendez-vous avec le jazz vivant. « Après l'effervescence du tremplin Jazz Up 2019, la MJC des Forges donne au batteur Franck Agulon la possibilité d'investir l'auditorium Michel Pierson pour deux rencontres. Tout d'abord en solo avec le programme Solistics. Au-delà de la démonstration, toutes les nuances et la sensibilité du jeu d'un musicien qui maîtrise non seulement une technique, mais sait l'associer à la mélodie. Ce sera ce vendredi 8 février à 20h. Et puis Franck Agulon se présentera en duo cette fois avec son confrère le batteur Charlie Davaux pour une session d'échange programmée toujours à l'MJC des Forges le 16 février à 20h30. Une bataille amicale à n'en pas douter, ce sera Franck Agulon, Charlie Davaux donc le 16 février. En attendant, ben voici Franck Agulon dans un de ses albums qui avait pour titre « Post-Katrina ». Le batteur Franck Agulon, que nous écoutions à l'instant, sera à la MJC des Forges en concert solo le 8 février à 20h. Et puis il se présentera en duo avec son confrère Charlie Davaux pour une session à deux, une session d'échange de batteurs, une bataille amicale à n'en pas douter. Et ce sera le 16 février à 20h30. La réalisation technique de ce numéro de Jazz Time était assurée par Quentin. Un grand merci à lui. Je vous retrouve quant à moi dans une semaine pour un autre rendez-vous avec le jazz. Au revoir.